Bonjour les enfants, c'est encore nous les clowns anus et précoce qui font partie du patrimoine national. Vite, allez chercher vos grands frères et vos grandes sœurs, car on a reçu une subvention spéciale pour percer le marché des ados. Oui, oui, oui, tout le monde. Les mamans discutent au salon pour leur carrière, quelles seraient les meilleures occasions. Les papas dans le garage parlent hockey. Ils se demandent quelle équipe fait le plus engraisser. Nous on passe Noël au sous-sol, car des vieux on en a ras-le-bol. On fume du bon brocoli et on va repeupler le pays. Ah oui! Les matantes campent dans la cuisine, elles échangent de bonnes recettes de bine. Les mononcles, ces belles bandes de nuls, refont le monde dans le vestibule. Nous on passe Noël au sous-sol, on se cache de ses pattes molles, on se pique avec du salami, loin de cette belle bande de finis. Ah oui. Oui. Oui. Oui. Allez les ados, chantez avec nous. Cette jeunesse a une façon spéciale d'apprécier le grand art. Les grands-parents sont déjà couchés. Avec toutes sortes de pilules, on les a bien gavés. Nous, on passe Noël au sous-sol, car de ces cons, on en a ras-le-bol. On se shoot avec du salami, on regarde des films avec des filles en bikini. Attention tout le monde, prêt, on descend au sous-sol. On y va.